Faites-vous plaisir. La première. 16h. Votre journal, Marie-Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. La frontière linguistique est devenue une frontière de grévistes et les Flamands crachent dessus. Il aurait sans doute dû garder cette réflexion pour lui. Geert Bourgeois est critiqué de toutes parts après cette petite phrase prononcée hier. C'était lors de son discours pour l'ouverture de la fête de la communauté flamande à Courtrai. Ce n'est pas le vocabulaire d'un ministre président, a déclaré Charles Michel. Et si opposition et partis francophones ont condamné ses propos, même au sein de la majorité flamande, on regrette les mots choisis. Chris Peters, vice-premier CDNV et ministre de l'Emploi l'explique. Il a tenu à rassurer lui aussi. Non, il n'est pas question de remettre le communautaire sur la table tout de suite. Écoutez-le. Je pense que ce n'est pas très intelligent, pas très sage d'utiliser ce mot. Ce n'est pas très, très sage, pas très intelligent parce que le ministre-président doit bien réfléchir quand on donne une speech aussi au 10 juillet. Ça reste une speech de ministre-président. Je suis maintenant responsable pour la Belgique et j'ai constaté qu'aussi en Wallonie, on a des personnes qui travaillent, des travailleurs qui travaillent très fort, les personnes qui veulent avancer, qui veulent travailler. Et ça, c'est le plus important, de stimuler ça et pas dire des mots qui sont démotivés. Monsieur Bourgeois parle aussi d'une réforme de l'État pour 2019. Enfin, je pense que la sixième réforme d'État est une réforme très importante et on doit utiliser toutes les compétences aussi au niveau de la Flandre. Des propos recueillis par Fabien Van Eekhout. C'est Radio Contact qui l'annonce cet après-midi. Léopold Storm ne serait pas libéré. Le tribunal d'application des peines de Nivelles aurait rejeté sa demande de libération. Le tribunal qui aurait aussi demandé à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée. Léopold Storm a été condamné en 2010 à 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur. C'était en 2007 dans le magasin familial dans les Marolles. Son avocat avait introduit deux demandes de libération sous condition, l'une avec et l'autre sans surveillance électronique. Mais les deux auraient donc été rejetés. C'est quasi plié. Le nouveau Premier ministre britannique sera une Première ministre. Et sauf surprise de dernière minute, ce sera Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur. Andrea Leadsom, la secrétaire d'État à l'énergie, s'est en effet retirée de la course aujourd'hui pour remplacer David Cameron. Avec une seule candidate encore en lice, les conservateurs ont du coup annoncé qu'ils seraient en mesure d'introniser bien plus rapidement que prévu le nouveau, la nouvelle en l'occurrence, Première ministre. Au départ, c'était prévu le 9 septembre. Et on reste au Royaume-Uni avec ces grosses tensions. On laborde le parti travailliste actuel dans l'opposition. Le président du parti, Jeremy Corbyn, est très contesté en interne, surtout depuis le référendum sur le Brexit. Aujourd'hui, une députée a officiellement annoncé qu'elle déposait sa candidature pour le remplacer. Le parti a annoncé qu'il organiserait rapidement des élections en interne. Les Français sont très déçus suite à leur défaite hier face au Portugal à la finale de l'Euro de football 2016. Déçus sur le plan sportif, mais il y en a un qui est ravi. Ravi parce que sur le plan sécuritaire, par contre, ça a bien fonctionné. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Malgré le contexte tendu avec la menace terroriste et les demandes de certains, surtout à droite, d'annuler l'organisation des fan zones, tout s'est bien passé. Écoutez-le au micro de nos confrères de France Info. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Dans les semaines qui ont précédé le déroulement de cette compétition de visibilité mondiale, certains esprits s'étaient employés à tout dénigrer de l'organisation mise en œuvre, allant jusqu'à laisser planer le doute sur la capacité de notre pays à organiser un tel événement dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée. La démonstration a pu être faite que dans l'union de toutes ces forces, et ça compte lorsqu'on est face à de tels défis, et grâce à la mobilisation de tous ces services, qui ont été guidés par le seul souci de bien faire, notre pays a pu demeurer tel qu'en lui-même, c'est-à-dire une grande nation, capable d'être à la hauteur des défis qui se présentent à elle. Et sur le plan sportif, il y a au moins un bleu qui aura gagné quelque chose lors de cet Euro, c'est Antoine Griezmann. Le joueur a été sacré meilleur joueur du tournoi par l'UEFA cet après-midi. Ce midi, les bleus ont été reçus à l'Élysée où ils ont dîné avec le président François Hollande. Ils ont ensuite fait un bain de foule avec les supporters. Et l'équipe nationale portugaise, elle, est bien arrivée à Lisbonne. Un retour triomphal, évidemment. Les joueurs ont aussi dîné avec leur président et ils ont été décorés. Voilà pour les infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, Walid. Et avec votre équipe. La semaine reprend. C'est lundi. Dernière semaine pour nous. Après ces vacances. Mais en tout cas, profitez de cette heure et demie qui arrive car nous allons être presque sérieux. Crefell. Les soldes XXL avec en plus le service Crefell, c'est dans nos 75 magasins et sur crefell.be. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Ducane Garme, maison à vendre. Alors c'est comme, vous changez les paroles, vous mettez Bruxelles c'est à la place. Bruxelles, exactement la même chose. Attention, on réécoute. Bruxelles. Ma belle. Ma belle. Si l'Allemagne avait gagné, on aurait encore entendu le fameux refrain selon lequel, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Alors que ce qui est pratique avec les Portugais, c'est que s'ils cassent la baraque, ils pourront la réparer eux-mêmes. Non, ma femme a fait une bonne réflexion, elle m'a fait dire, on ne mettrait pas les accessoires des diables dans un carton pour la Coupe du Monde. Ouais, ma femme parle comme ça, en fait. Vous faites quoi dans la vie, Antoine ? Je travaille pour... Un organisme de vacances pour jeunes. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était la CIA, le FBI. Vous avez réfléchi. Faut pas faire des pauses à suspense comme ça. Je travaille pour le... Si je vous le dis, je vais devoir tout YouTube. C'est ça, c'est vraiment ça. Prenez un malin plaisir à imaginer les choses dans la tête de Laurent Dehausset en écoutant ceci. L'animal pouvait être soumis à la question, c'est-à-dire à la torture qui est destinée à obtenir des aveux. Et on a l'exemple d'une truie qui a avoué... Oui, en 1457, elle a avoué sous la torture avoir tué et en partie dévoré un enfant de 5 ans. Alors, comment vous dire ? Le conducteur américain mort au volant de sa Tesla puisqu'il regardait un film de la série Harry Potter quand son pilote automatique a pété un plomb et a jeté la voiture dans le décor. Ou alors c'est un suicide, mais pas du gars, de la bagnole. L'intelligence artificielle de la voiture est si évoluée qu'elle s'est rendue compte qu'elle servait un gros baltringue et a décidé de mettre fin à ses jours, allez savoir. Justin Trudeau est surtout archi compétent en tout. Sur une journée normale, entre deux flash mobs à la Gay Pride, le gaillard il fait voter 12 lois, il célèbre l'Aïd avec les musulmans, il adopte 6 enfants réfugiés et il fait la vidange de sa bagnole en faisant des pompes à une main. Et encore ça, c'est quand il a un début de grippe. Pour situer, c'est un peu le Walid du gouvernement canadien. Ah, ouais. Mais en beau. En fait, Philippe, je voulais saluer Maya, ma filleule qui rentre du camp. Ah oui, en plus, je sais pas. Voilà. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Hypercialorée, ptyalisme, hypercialie. Hein, on ne sait pas quel phénomène physiologique serait à l'origine d'une surproduction salivaire au nord du pays. Mais d'après Heer Bourgeois, les néerlandophones utiliseraient ce trop-plein pour cracher sur les wallons. Ah ouais, ça, les propos de Monsieur Bourgeois semblent en tout cas juste être un moyen pour les lions flamands de sortir un peu leur grief, quoi, c'est ça. Ce serait juste des paroles en glaire, hein, puisque de tous les peuples de la Gaule, les flamands ne seraient pas les plus baves. Ah oui, eh oui. Et de l'info, justement, elle se bouscule au postillon, puisqu'ils vont tenir le crachoir jusqu'à 17h30. Et s'ils aiment déverser leur venin, c'est pour que vous puissiez justement le transformer en antidote contre la morosité ambiante. Voici votre équipe de chroniqueurs du jour. Tiens, il ferait bien une partie de crash-crash avec monsieur Kier Bourgeois. C'est Mickaël Elbaz, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Et il ne crache, lui, jamais sur un verre d'alcool. Par contre, il crache souvent dans celui des autres hein, pour pouvoir le boire à leur place. C'est Edgar Schotz, bonjour Edgar. Mais je ne crache pas dans la soupe. Non. Bonjour, ouais. Mais attendez, tiens, test crachat est formel, les amis. Ah oui, elle a tout d'une glande. Daphné Dulaurier, bonjour. Bonjour Walid, bonjour. Tiens, lui, il préfère utiliser sa salive pour mastiquer plutôt que pour rastiquer. C'est Raoul Reyes, bonjour. Mais bonjour Walid. Vous allez bien ? Je vais faire un petit mastiquer en deux mots, apostrophe. Là, on a peur. Oui, c'est pour mastiquer avec pas M apostrophe. Pour mastiquer. Vous, allez. Non. Pour mastiquer vous. Dans la... faites attention à ce que vous dites. Ça glisse. Je vais faire un petit rectificatif. Guerre bourgeois ne crache pas sur les wallons, mais sur la frontière. Ah oui, mais c'est bien. Le wallon, ce sera le... C'est pour marquer la frontière, justement. L'étape suivante. C'est pour la durcir, pour qu'on la voit mieux, en fait. Hein. Ouais. Tiens, finalement, un petit procès en diffamation sur, en quelque sorte, un crash test hein, pour Vincent Flibustier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Elle est un petit peu la salive sur laquelle repose cette émission tout entière. Oui. Elle est justement pas du genre à la gaspiller, sa salive. C'est notre assistante, celle qui a préparé cette émission pour vous. Elle s'appelle Pissama Ochour et on peut la saluer au passage puisqu'elle fait un travail exceptionnel, n'est-ce pas Raoul ? Absolument. Je dois dire, tous les gens qui ont travaillé avec nous cette saison étaient formidables. C'est vrai. Ne parlez pas comme ça au passé, on n'a pas encore terminé la semaine. Encore 5 jours. Oui, c'est juste. Voilà. Dites ça vendredi. D'accord, il faudrait que je vous le rappelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis tiens, lui, il fait tout pour que le son ne crachette pas dans votre poste. C'est celui qui est à la réalisation, Laurent Nélissen. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci donc à vous d'être presque sérieux, comme nos chroniqueurs sur la première. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Et devinez quoi? Devinez quoi? Un four en chanson? Non, devinez quoi? Quoi alors? On va parler que de Grégoire Bourgeois aujourd'hui. C'est vrai? On va parler que de crachat. Enfin presque. On va parler deux fois de crachat. On va parler donc du 11 juillet avec donc ce fluide corporel et politique d'un côté avec Daphné Dulaurier et de l'autre avec Edgar Schotz. Et bien on va essayer de parler de sport tout en essayant d'éviter le sujet. Ce sera avec Mickaël Albas. Et puis des cadeaux, nous allons vous en offrir. Inscrivez-vous, envoyez ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse pour repartir avec le jeu Docteur Panique. Voilà, vous êtes une équipe médicale d'un hôpital réputé de la région proche de chez vous, par exemple. Vous venez d'où, Raoul? Liège, par exemple. Ben voilà, c'est un hôpital liégeois. Vous venez de Verviers, c'est un hôpital Verviers. Voilà, c'est ça. Vous jouez vraiment une équipe médicale de votre c'est coin. C'est docteur Maboul, si c'est Raoul. Et votre but, c'est sauver en équipe le patient qui arrive sur le brancard avant que le temps ne soit écoulé. Donc voilà, un jeu plein d'épreuves frénétiques, c'est pour vous. Vous envoyez donc ces trois lettres pour le qui a dit du jour. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. C'est la phrase du jour. Je vous la donne en mille. C'est un symbole désastreux. C'est un symbole désastreux. Qui aurait pu la prononcer, cette phrase? Nous vous ferons des propositions incessamment sous peu. Inscrivez-vous. Tissem tira au sort l'un ou l'une d'entre vous. On jouera ensemble au qui a dit. Ce sera juste après. Bah juste après ceci. Tiens, c'est la une du jour. C'est la une. Deux infos en chanson. Tendez l'oreille. Ça, c'est bon, ça. Ça n'a pas changé. On avait Philippe Léotard, hein, la balance. Forcément, le générique du film. Oui, c'est ça, balance. C'est le générique. Ah, c'est la chanson du début du film. Et alors, Clouseau, Live Belge. Et c'est avec, justement, ce générique que nous entamons, la balance Philippe Léotard. De quoi s'agit-il? Une étude. C'est plus ou moins une étude. Mais c'est pas une étude. C'est un rapport. Écoutez bien le titre, c'est la balance. C'est le poids des Belges. C'est un rapport avec le poids, oui. Absolument non, pas. C'est la balance commerciale. Balance commerciale. Balancer quelqu'un. Quand on balance quelqu'un. Oui. Les indicateurs. Oui, indiques. Alors. Eh bien, je ne sais pas. Ils sont à la mode, les indiques. Eh bien, ils sont à la mode, effectivement. Les indiques ont la cote à la police. Selon un rapport donc publié par le SPF Justice, le nombre d'indicateurs rémunérés, ouais, parce qu'on les paye en plus, hein, de la police aurait augmenté. En 2014, 824 primes ont été payées contre 720 en 2012 et 796 en 2013. Ces indices ont permis donc de contribuer à 1526 arrestations, avec à la clé la saisie de plus de 500 véhicules, plus de 600 armes, plus de 4 millions d'euros cash. En même temps, voilà, ça permet de les payer. Et ceux qui dénoncent leurs voisins au fisc, est-ce qu'ils sont rémunérés aussi? Non, mais par contre, votre voisin... Ils rentrent pas dans les statistiques. Non, ils rentrent pas dans les statistiques. Mais contre, c'est vraiment les indices police. Oui, c'est les indices à la police. Donc, je dis c'est bien ça, les indicateurs à la police. Quoi, vous êtes candidat, Walid? Non. Vous savez deux, trois trucs, hein. Non, je sais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous savez que la police utilise les chiens pour renifler. Oui. En Belgique, on utilise autre chose, un autre animal... Sous l'eau. Le cochon. Le putois. Non, pas le putois. Sous l'eau. La loutre. Non, c'est pas un poisson, donc le dauphin. C'est pas le dauphin. Non. C'est l'équipe de l'université de Liège qui essaye de dresser un poisson qu'on équipe d'une balise GPS afin d'aider donc la police à retrouver des cadavres. Mais quel poisson? C'est un poisson qu'on mange. Ouais, c'est un poisson qu'on mange. La truite. Le saumon. La truite, non. Le saumon. Le brochet. Le brochet, non plus. La carpe. Ouais, c'est la carpe. Voilà. Oui, on équipe la carpe de GPS. Ouais, elle dit rien, mais on le voit. C'est pour ça qu'on équipe. Vous allez au resto. J'ai mâché sur une balise. Voilà. C'est exactement ça. C'est la carpe et le territoire. Ouais, c'est vraiment ça. Carpe et un GPS, c'est ça. Chéri, fais tes balises. C'est exactement ça. Tiens, autre info en parlant d'indic, il y a un indicateur que le magazine The Economist a inventé pour déconner au départ, et puis c'est devenu un vrai indicateur. Edgar Schott, le Big Mac Index. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, le Big Mac Index est en effet un indicateur, mais pas dans le sens d'informateur. D'un indicateur de police. Yeah. C'est un indicateur qui permet d'évaluer si une monnaie est surévaluée ou sous-évaluée. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué, on doit trouver des produits qui sont exactement les mêmes partout dans le monde. Et en général, vous achetez du chocolat, c'est pas exactement le même chocolat. Par contre, le Big Mac, c'est exactement la même composition. Oui. Et donc, on voit si, au cours du franc suisse, par exemple, un Big Mac coûte plus cher ou moins cher qu'en Suisse. Et s'il coûte plus cher, c'est que la monnaie est surévaluée. Ah ben voilà. Et là, je vois ici que c'est la Norvège où le Big Mac est le plus cher par rapport aux revenus. Et l'Ukraine, c'est le moins cher. Ah ben voilà, Norvège, c'est plus cher et l'Ukraine, c'est moins cher. Donc si vous voulez manger pour rien, vous savez où vous devez aller. Voilà. En tout cas, manger, c'est même pas le mot. Oui, c'est ça. Bon, deuxième extrait, écoutez attentivement. Clouseau. C'est trop facile, ça. Bah oui. Alors, ça deux pays. Pardon ? Deux pays dans un pays. Voilà. Guerre bourgeois, tout ça. Non, c'est non pas guerre bourgeois. Non, non, non, non, non. On parle pas de football. C'est un rapport avec c'est, ça. C'est, mais... c'est un rapport, mais c'est d'après. Voilà, d'après. Dave Sinarden a dit qu'il n'y avait que 5% de séparatistes. C'est bien cela, ma chère Daphné Dulaurier. Effectivement, un professeur de sciences politiques à la VUB et l'Université Saint-Louis, Dave Sinarden, donc, après une faible participation au pied de la Tour de l'Isère samedi, à l'occasion de la fête de la communauté j'allais dire française. Non, non, c'est pas la même. Attention. En tout cas, voilà, effectivement, il n'y a que 5% de séparatistes qui veulent dire. Il n'était vraiment que 10 sous la tour. Une petite dizaine. Ah. Mais ils avaient tous 82 ans en plus. Ouais, voilà. Ils sont venus dans un seul autocar. Est-ce qu'il pleuvait ? De la même seigneurie. Voilà, c'est le séparatome. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. C'est pas mal. Donc, que 5% de séparatistes. Voilà. Peut-être plutôt le home Adolphe. Ouais, un truc comme ça. En tout cas, voilà, ça fait pas trop, ça fait pas trop flipper, ça. Il y a aussi eu la sortie de ce membre de Groen, j'ai oublié son nom, qui a quand même expliqué que le flamingantisme. C'était ringard. Ouais. En tout cas, ça allait le devenir. Ça allait le devenir, effectivement. Ouais. Bah, écoutez. Soyons sympas avec nos amis flamands. Mais on est sympas. Hein. Voilà. Moi, j'habite chez eux. On va en parler avec Daphné Dulaurier dans la suite de ces Presque Sérieux en ce lundi. Ah, dernière semaine pour nous. Après, on prend des vacances bien méritées. On reviendra le 22 août. On vous tient bien entendu au courant. D'ici là, on passe cette semaine presque sérieuse avec vous. On relate l'actualité, toute l'actualité. Et je vous attends également pour jouer avec cette info. Une phrase. Le qui a dit du jour. Qui aurait pu dire c'est un symbole désastreux. CPS au 6031. 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. Et vous repartirez avec ce magnifique jeu que nous vous offrons aujourd'hui, Docteur Panique. Et dans la suite, Panique à bord avec Daphné Dulaurier, puisqu'on va s'intéresser au 11 juillet et ses fameuses déclarations d'hier signées Geert Bourgeois. En Belgique, on fait des offres, qu'il parle français ou bien flamand. Un enfant de la mine, j'étais promise, c'est un flamand qui m'a conquise. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. La première, Mobile Info. 16h17 en ce lundi. Ah, peut-être en vacances pour la plupart d'entre vous. Vous êtes sur la route ou pas? Que se passe-t-il justement sur notre route? La réponse tout de suite avec cette voix. Et quelle voix je vous le donne en mille? C'est la voix de... Pierre Collarbovi. C'est Pierre Collarbovi, effectivement. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, évidemment. Alors, un automobiliste signale un accident sur le 411 de Luxembourg-Namur, à hauteur de Verlaine. La voiture est sur la bande d'arrêt d'urgence, mais sur le flanc, en direction de Namur. Donc, pas de problème, mais ne vous laissez pas surprendre. C'est un peu spectaculaire, parfois, d'avoir ce genre de spectacle. Sur le ring de Bruxelles, 11 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre. 11 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Ce sont les seuls ralentissements un peu plus conséquents sur le ring de Bruxelles pour le moment. Accident sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Templouze et en direction de Mons. Trois véhicules sont immobilisés en bande d'arrêt d'urgence, mais il y a de nombreux débris sur les voies de circulation. Donc là aussi, soyez prudents, levez le pied. Un objet encombrant sur le ring 3 de Charleroi à hauteur de Couillet. La chaussée partiellement entravée en direction de Gouy. Ce sont des branchages qui se situent au milieu de la chaussée. Et puis toujours ces ralentissements assez conséquents sur le 40 Bruxelles-Ostende entre Herpemer et Zoynard. À partir de Herpemer, vous ralentissez sur 16 km et vous perdez 40 minutes en direction de la côte. Il y a des répercussions sur la N9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mel, et là aussi vous perdez 25 minutes. Et dans l'autre direction, donc vers Bruxelles, il y a des files entre Gand et Mel, où vous perdez un quart d'heure. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Oui, ne changez rien à vos habitudes. On s'informe tout à l'heure à 16h30. On aura droit à un petit top 3 de Raoul Reyers. Mais auparavant, avant, Daphné Dulaurier souhaite profiter de ce 11 juillet pour avouer publiquement l'une de ses petites déviances. Oui, Walid. Mes chers compatriotes, best landgenoten, puisque nous sommes entre nous et que nous sommes aussi par une de ces coïncidences surprenantes le 11 juillet, jour de fête de la communauté flamande, je vais en profiter pour vous confier un petit secret honteux. J'espère évidemment que cette confidence ne sortira pas de l'intimité feutrée de ce studio et de celle de votre salon, vous, chers auditeurs qui nous écoutez à oreille, à Kinshasa ou même à Bruges. Voilà, je me lance. Je suis flamandophile. Flamandophile, c'est un peu comme colombophile, sauf que c'est pas avec les pigeons. Même si on a bien compris hier que certains ministres-présidents trouvent qu'en l'occurrence, les pigeons sont justement les flamands. Mais soit. Oui, flamandophile. Tout simplement parce qu'en fait, je kiffe les flamands. C'est un petit secret honteux, puisqu'en francophonie, se moquer des flamouches et mettre en exergue tout ce qui nous sépare de nos voisins du Nord fait office de sport national, et ce n'est pas le crachat-gate du cieux bourgeois qui va arranger les bidons. D'ailleurs, j'en profite pour faire ici un petit aparté à l'égard de Geert Bourgeois. Allez, Kate, sérieusement, t'es tombé sur ta tête ou quoi? Non mais comment veux-tu, en utilisant une image pareille, qu'on réussisse à se concentrer sur ce que tu as à dire? C'était quoi ton métier, toi, avant de faire de la politique? Avocat? Ah, voilà, quoi. Non, rien. Dis, et ce nouveau clip vidéo mis en ligne vendredi par tes petits copains du Vlaams Belang sur les réseaux sociaux? Cette délicieuse ritournelle au refrain entêtant « Dit is Vlaams grond ». Franchement, vous trouvez ça subtil? Non mais allez, franchement, quoi. Bref, quand je dis aimer les Flamands, je ne parle évidemment pas des politicards, mais bien de tous les autres. Je les aime pour tout un tas de raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. Alors je vous ai gardé celles qui sont, à mon sens, les plus significatives. Bon, tout d'abord, ils sont terriblement efficaces. Ce sont les influences nordiques, ça. Il suffit de voir leur prénom. Une seule syllabe et tout est dit. Dirk, Kurt, Jan, Piet, Jos, Koen, Bart, Geert, tu vas en Flandre, tout est beau, propre, structuré, cohérent. Ensuite, ils ont un astronaute et pas nous. Et ça, il n'y a rien à faire, mais ça envoie du rêve. Enfin, on a eu Tintin sur la Lune, mais est-ce que ça compte vraiment? Tiens, vous êtes au courant de cette rumeur? Il paraît que la vraie mission de Dirk Vrijmoet, lorsqu'il fut envoyé dans l'espace, était de vérifier que toutes les lampes des autoroutes flamandes fonctionnaient bien. Et puis, ils ont la mer et les crevettes aussi. Et sans crevettes, pas de croquettes, autant dire la fin du monde moderne tel que nous le connaissons, et ce n'est pas Raoul qui me contredira. Ah, ça. En ce 11 juillet, ce serait tellement bien qu'on lance en Belgique francophone un vaste mouvement de réhabilitation des Flamands. À l'instar de ces Belges qui se sont fait accueillir à Lille pour le match grâce au hashtag Adopte un Belge, nous pourrions démarrer le hashtag Adopte un Flamand pour favoriser les rencontres transfrontalières, la fameuse frontière des grèves bien sûr. Le Flamand viendrait chez vous, vous offrirait des Blumen et vous préparerait peut-être même un bon Waterzooi. Vous pourriez lui faire écouter des disques de Robert Cogois, sauf si vous voulez qu'il revienne, et lui offrir une part de tarte au riz. Vous découvririez ensemble, autour d'une chouffe ou d'une Westmalle triple, que tout compte fait, vous avez plein de choses en commun. Et vu le climat actuel, ce serait quand même bien de s'en rendre compte rapidement, non? Ah oui, c'est vrai. Et on peut écouter cet extrait de ce groupe Dit is Vlaams grond. Ah oui, si c'est possible, c'est parti. Pour ceux qui aiment les grosses filles. Alors non mais c'est pas ça. C'est qu'au départ on regarde le clip, on se dit ah tiens, c'est une production avec des sosies de ABBA, mais version ABBA cheap. Ouais. Et puis on s'intéresse au clip. On s'intéresse au clip. Et au son, intéressez-vous au son. Aussi. Au jeu d'acteur. Oui. Aussi. Et ce qui est intéressant, et on mettra le morceau et le clip sur la page et Facebook de l'émission, je me suis amusé à compter le nombre d'infractions au code de la route qu'il y avait, parce que je me dis qu'il fallait trouver quelque chose à dire sur le clip. Au-delà des robes qui sont pas belles, d'un goût certainement douteux, mais bon, qui suis-je pour juger la tenue vestimentaire? Oui, mais quand même, là. Mais quand même, là, ça pique les yeux. Là, Mais alors, le pire, c'est le code de la route. Alors là, je vous invite à regarder et à comptabiliser les infractions. Mais ça veut dire, vous l'avez regardé jusqu'au bout, Walid? Oui, je l'ai regardé 8 fois. Huit fois. En fait, il se balade en 2 chevaux autour de Bruxelles et dans toutes les communes flamandes en disant que c'est le Vlaams grond. Mais le pire, c'est qu'il y a même du vandalisme, monsieur. Ils viennent avec un autocollant et ils le ils le mettent sur la pancarte de Molenbeek. Mais que fait la police? Mais justement, c'est la question. Et pour que ça colle mieux, ils crachent dessus. Mais voilà. Et après ça, on vient de railler qu'on ne programme pas les chansons flamandes. C'est vrai. Hein, c'est le quota. Mais rien que ça, honnêtement, Celle-là, voilà. Elle vaut pour 12. C'est une parodie. Jusqu'à voilà. L'année prochaine. C'est tranquille. Oui, je pense qu'on peut. J'ai déjà envoyé un mail, vous l'avez entendu. Vous savez ce qu'on peut faire? On peut faire la parodie wallonne de ce truc-là. Oui, mais moi, je ne mets pas drôle. C'est notre beau Terry. Ce serait drôle. Bon, en attendant, c'est le top 3 de Raoul Reyes. Ce que je vous propose sans plus attendre, écoutons-le avec impatience. Ça fait du bien. Tu sais, le chiffre, schritte, flamme se grand. Wow. C'est bon. J'avais un accent. Mais écoutez, Bach de Maria Kirch. Je vais mettre ça à fond dans la voiture. Arrêtez, ça va leur faire des droits d'auteur. Ils vont recommencer. Mais c'est ça le problème. Vos enfants ne voudront plus partir en vacances. Alors, en numéro 3. Condamné pour avoir arraché la tête d'un rat avec ses dents. Pas peur. Il n'y a pas peur. C'est votre week-end, Raoul. Comment ? C'est votre week-end. On voit cet Australien rentrer dans une pièce, choper le rat, lui arracher la tête avec les dents. Il avale la tête en la faisant passer avec un peu de vodka. Oh. Puis un homme lui met un coup de poing dans la figure et lui casse une chaise sur le dos. C'est un film où on s'amuse. Et le truc, c'est « Fais mieux ». C'est ça, c'est le slogan « Fais mieux ». C'est le nouveau défi sur Internet. Oh. Ah ouais, quand même. Il ne va pas y avoir beaucoup de participants, à mon avis. Si, il y a Kirk Bourgeois qui crache. Ah oui, le fais mieux. Mais il a été puni. Ah. Oh. Il ne peut plus avoir d'animal de compagnie pendant 3 ans. C'est vrai, il a été jugé. Ouais. En Australie, il ne rigole pas avec les animaux. Avec les souris, surtout. Et donc, il y a des juges qui peuvent... faire une sentence qui consiste à dire pas d'animal de compagnie pendant 3 ans. Ah ouais. Ouais, et un travail nous, d'intérêt général de 100 heures. Recoller des têtes. C'est ça. Moi, c'est un truc qui me fait devenir taxidermiste. C'est pas mal, ça, comme travail d'intérêt général. Ouais. Taxidermiste pour le monsieur. Quelle horreur. Ouais. Mais quelle horreur. En numéro 2. Un magazine allemand annonce par erreur une grossesse de la princesse Claire. Oui. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, ça nous est déjà tous arrivé de se retrouver dans un repas, dîner, hop. Hey, bonjour, alors, t'es enceinte ? Non, mais c'était pas ça. Oui, c'est plus ou moins ça. Ici, c'est un petit plantage de gala. Heureux événement en Belgique, la princesse Claire et le prince Félix attendaient le deuxième enfant. Attendraient, moi je ne sais pas écrire. Félix, oui. Mais voilà. Une autre erreur dans l'article situe aussi la fête nationale de Belgique fin juin. Mais... Quoi qu'il en soit, on sait maintenant que Claire n'a pas pris un gramme, mais on sait surtout qu'elle appelle le prince Laurent Félix. Ah oui. Peut-être parce qu'il a un gros bazar. Félix le chat. Comment ils ont fait une erreur en fait ? Ils attendaient un enfant à la sortie de l'école ou... Mais non, mais là, on voit une photo de Claire. Ils ont cru que c'était son ventre. Comment est-ce qu'ils ont commis l'erreur ? C'est notre princesse. Ils se sont trompés. Ils sont trompés. Mais par contre, l'idée de l'enfant qu'on attend, ça peut être bien pour cliquer là. La princesse Middleton attend un enfant. Ouais. Et alors, lire à la fin de l'article, c'était pas le sien à la sortie de l'école. Il y avait eu récemment, l'année dernière, le frère de Ségolène Royal qui est décédé. Il y avait des journaux qui avaient titré un membre de la famille royale est décédé en Belgique. Ouais, oui. Et ben voilà, comme quoi le titre est parfois trompeur. Ça va être une chronique là, je vous préviens déjà, ça va être des nouvelles séquences la saison prochaine. Je vais vous donner une info, il faudra me redonner un titre complètement farfelu. Pour ces gars-là, Allemagne aussi, hein. Donc ça explique tout. Allez, en numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. La presse est assez pauvre hein, pour le moment. Eux sont déjà vraiment en vacances. Ils sont déjà en vacances. Déjà des excuses. Béziers, un tigre sème la terreur dans un petit village. Mais il s'appelle Robert Ménard. Ouais. Et c'est pas un tigre, je parie. Donc toutes les forces de vive étaient sur pied de guerre parce qu'il y avait la femme d'un ancien commandant de gendarmerie qui avait vu un tigre tout près du terrain de football, un truc comme ça. Et alors tout le monde s'acharne à retrouver l'animal. Pas du tout. Et l'animal était là et ils ont pu l'approcher sans problème, mais c'était une pluche. Et voilà. Et comme on quoi on s'est amusé en France. Mais écoutez, autrement qu'en football. Et bim. Voilà comment on vous envoie un petit scot. Tiens, on en parlera ou presque de sport. Ce sera tout à l'heure avec notre cher Mickaël Albas. En attendant, vous vous inscrivez, vous envoyez ces 3 lettres à CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On joue ensemble au qui a dit. Vous repartez avec ce magnifique jeu, Docteur Panique, et cette phrase. Phrase avec laquelle nous jouerons dans un instant et les propositions que nous vous ferons. Qui aurait pu dire c'est un symbole désastreux. Alors là, l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort d'ici quelques minutes par notre assistante Tissem. Vous viendrez passer un bon moment presque sérieux en notre compagnie, des cadeaux à la clé. Bref, vous l'avez compris, on va s'amuser en ce lundi où vous soyez en Belgique. Merci à vous donc d'être presque sérieux. On s'informe à 16h30. Autrement dit, c'est tout de suite. Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous? La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à croqueur@rtbf.be. Croqueur au pluriel @rtbf.be. Plus d'infos sur lapremière.be. Vendre en viager, c'est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Le spécialiste de Trévi Viager m'a tout expliqué. Et aujourd'hui, ma maison est vendue. En plus, le paiement de ma rente est garanti par une assurance. Je peux pleinement profiter de la vie, et sans souci d'argent. Trévi Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, Beka, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. Promotion de rêve durant ce mois de juillet chez Expert Literie. La première. 16h30. Votre journal, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet, c'est la fête de la communauté flamande. Au programme discours et festivités et petite polémique aussi. Hier, Geert Bourgeois a déclaré que la frontière linguistique était devenue une frontière de grévistes et que les Flamands crachaient là-dessus. Des propos qui sont évidemment assez mal passés, y compris dans les partis de la majorité flamande. Tout le monde a condamné les mots utilisés. Aujourd'hui, dans son discours à l'hôtel de ville de Bruxelles, Jan Peumans, le président NVA du Parlement flamand, s'est montré beaucoup plus mesuré et consensuel. Nous y reviendrons dans votre journal de 17h. Un retour triomphal à Lisbonne pour les joueurs portugais aujourd'hui après leur victoire face à la France en finale de l'Euro hier. Ils ont été reçus par le président, ils ont été décorés. En France, évidemment, autre ambiance, l'heure était moins à la fête. Malgré tout, les Bleus ont été reçus chez François Hollande avant de participer à un bain de foule cet après-midi. Et le joueur Antoine Griezmann a été sacré meilleur joueur du tournoi par l'UEFA. On va revenir sur ce mois de football dans Soir Première à 17h45. Pierre-Yves Meugens fera le bilan de l'Euro 2016 avec ses invités. Ebi Brouzakis, journaliste sportif de la RTBF, et Alex Teclac, ancien joueur pro de Division 1 et analyste foot. Voilà pour les infos. Merci Marie. Résumé qui tient en un mot en fait. Voilà, c'était ça l'Euro cette année. Bah, fête Soir Première. Ah, non mais sérieusement, l'Euro 2016 c'était ça, c'était... Voilà quoi. Heureusement qu'il reste la bière et les copains. Heureusement que vous êtes là. On se check. 16h31. On se retrouve tout à l'heure pour les infos de 17h. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux et nous jouons. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Cet euro était triste, d'une tristesse incroyable. C'était long. Pchit, comme un pétard mouillé, comme ça. Oui, non, mais c'était... C'est plus un drapeau dans ma main. Qui, à un moment donné... Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, je trouve que c'est dommage. Et alors, mieux, donc, j'ai pas regardé le match, mais j'ai quand même un tout petit peu suivi pour savoir qui avait gagné. Moi, je vous jure, j'ai entendu qu'il y avait des... Je n'ai pas entendu un seul coup de klaxon dans mon quartier. Eh bien, moi, je vais vous dire que je sais, maintenant que du côté de Gré d'Oiseau, il y a des Portugais. Oui, je vous jure que si. Ouais, c'est la seule fois que j'ai entendu des klaxons pendant tout l'euro. Même les Belges n'ont pas klaxonné. Eh ben je sais qu'il y a des Portugais. Découvrez vos voisins grâce à l'euro. Mais je vous jure, c'est un super jeu. C'est un recensement. C'est des gens qui sont sortis comme ça. Parce que, c'est la finale. Oui, non, mais surtout qu'il y avait sur les réseaux sociaux, et ça, il faut aussi en parler un petit peu, une haine contre les Français. J'ai jamais vu ça. Oui, bah oui. Oh là là. C'est la rivalité. Dites, il n'y a pas des voisins qui font des travaux chez vous, vous êtes sûr? Certains. Ah oui, donc. Voilà. On va jouer avec Audrey, tiens, qui nous rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes traductrice? Oui. Est-ce que vous pouvez me traduire ce morceau, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Vlaamse Grond? C'est-à-dire... Alors, je ne traduis pas le néerlandais, je ne traduis que l'espagnol et l'anglais. Oh, ce qui est déjà pas mal. Vous avez déjà, gagné, en fait, pour moi. vous venez de Bruxelles, ma chère Audrey, et nous allons jouer avec une phrase. Une phrase. C'est dommage, parce qu'on peut jouer sur le tapis. Je préférerais jouer sur... Pas celui-là. Voilà, on va jouer sur ça. Formidable. Alors, attention. La phrase du jour, écoutez-la bien. Qui aurait pu dire c'est un symbole désastreux? Alors, les propositions, on va vous les proposer sans plus attendre. C'est Vincent Flibustier qui s'y colle pour commencer. Eh bien, c'est en fait l'anniversaire de cette déclaration. Celui qui l'a dit, c'est Fidel Castro. Il y a 26 ans, 8 mois, 3 jours, 2 heures et 21 minutes suite à la chute du mur de Berlin. Fidel Castro, c'est un symbole désastreux. C'est lui qui aurait prononcé cette phrase. On va demander à Raoul Reyers. Eh bien, c'est Rudy de Motte. Qui est souvent dans notre émission. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a souvent une phrase intéressante à dire. Il n'y a pas grand-chose de mieux à faire. C'est Rudy Demotte qui considère que le crachat évoqué par Geert Bourgeois est un symbole désastreux pour la tuberculose. Redis demain. Bah oui, écoutez, c'est... Bah, c'est vrai. C'est un symbole désastreux. Alors que ce morceau, hein, je vous invite à le revoir. Donc, c'est aussi un symbole désastreux. Oui, bah, pour la musique de manière générale, mais j'ai adoré le commentaire d'un copain, Nicolas Bogart, ce qu'il fait, ça me fait penser à Belle des Camps. Ah oui, pas mal. Je trouvais que c'était oui, bon. C'était pas mal. Sous-Gotenner. Ah oui, voilà. On va demander à Daphné Dulaurier, à votre avis, c'est un symbole désastreux. Bah, c'est évidemment Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France de foot, lorsqu'il a vu cette fameuse vidéo qui a fait le tour d'Internet, où l'on voit un petit garçon portugais consoler un supporter français en pleurs. C'est un symbole désastreux, a éructé Deschamps devant ces images. En plus d'être meilleurs que nous, ils sont sympathiques. Didier Deschamps pour Daphné Dulaurier. On va demander également à Michael Albas, alors que je vais demander à mon réalisateur maintenant de me remettre juste le tapis d'origine. Vous savez, on peut se remettre dans une ambiance un peu positive. Ah, voilà. Vous savez que sans parole, ce morceau est 10 fois mieux. Oui, bah c'est pas à un difficile moment donné, c'est, en même temps. C'est juste, voilà. Michael Albas, pour Audrey. Qui aurait pu dire que c'est un symbole désastreux ? Eh bien, c'est évidemment Geert Bourgeois, mais en parlant du piétonnier bruxellois, une idée francophone sur laquelle il crache, ce qui lui vaudra une amende. Geert Bourgeois. Edgar Schutz. Pas du tout, il s'agit de Jean Quatremer, hein, le célèbre correspondant à Bruxelles de Libération et le cousin de Paul-Émile Quatrebras, qui a déclaré à propos du passage du recrutement de Barroso par Goldman Sachs qu'il s'agissait d'un symbole désastreux. C'est plausible aussi. Hein. Tout est plausible. Ouais, ouais. Maintenant, reste bien à Audrey de faire son petit commerce dans toutes les propositions que nous venons de vous faire, ma chère Audrey. Et cette phrase que je vous rappelle, c'est un symbole désastreux. Qui aurait pu dire cette phrase ? Je vous rappelle les propositions. Fidel Castro, Rudy De Motte, Didier Deschamps, Geert Bourgeois ou Jean Quatremer ? Je pense que c'est Jean Quatremer. C'est dit avec un accent comme ça. Je pense que c'est Jeanne Quatremer. Mon avis, elle a quelque chose de français, cette... traductrice, vous êtes française, Audrey ? Oui. Ah, ça sonne. Ah, bah, voilà, et du sud ? Oui. Ça sonne, hein. D'où ça exactement ? De Perpignan ? D'où ça, du sud ? D'Avignon. D'Avignon, bien enfin sûr. Un peu de soleil. Un peu de soleil bien. Dans cette voix, ça me fait plaisir de vous avoir. J'ai toujours adoré dire Perpignan. je trouve ça beau. On a chacun ses rêves. Je vous jure. Hein. Les amis, je vous annonce que Perpignan est le nouveau chinois. je vous promets, chaque fois que je vois quelqu'un de sud, je fais de Perpignan. Et voilà, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir, ma chère Audrey, de vous offrir ce magnifique cadeau, hein, le jeu Docteur Panique, puisque c'est effectivement Jean Quatremer qui dresse un portrait, vous faites sans accent le 1, sympathique, qui dresse un portrait de Barroso au vitriol, hein, dans Libération. Il dit effectivement que, après avoir passé, l'ancien président, après avoir passé à la tête de la Commission européenne de 2004 à 2014, ça y est, il retourne sa veste, comme quoi le politique et l'économique sont liés directement, en fait. Hein. Barroso qui a... Il paraît qu'on l'appelle le Méromou. C'est vrai aussi. Barroso qui devait rendre des services à Blair, qui était à la solde un peu de George Bush. Enfin bref, voilà, c'était un peu le faire-valoir européen, quoi, comme on peut le lire en tout cas dans cet article de Libération signé Jean Quatremer, Barroso chez Goldman Sachs, un bras d'honneur à l'Europe. Voilà le titre de l'article. Ma chère Audrey, on vous envoie donc ce cadeau très rapidement. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses. Merci. Ne changez rien, au revoir. Vous partez en vacances à Perpignan ? Oui, bien sûr. Vous partez où exactement ? Mais à Perpignan. Perpignan, voilà. C'est pour vous faire plaisir, non, ça. Non, je plaisante, oui, je vais à Avignon. J'ai bien compris. On vous embrasse, restez presque sérieuse. Dans la suite, on va s'intéresser à l'actualité. Ah ouais, encore et toujours. On va parler de sport, mais on va toujours tourner autour du pot, puisque c'est un... Autour du pot belge. Aussi. C'est signé Michael Albas. T'as grandi, toi ? Non, pourquoi, Robert ? Si t'as grandi, t'as fait du sport ce week-end ? Mais non, j'ai... Bon, d'accord. Allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Oh ben non, pourquoi tu mets des bottins ? Ah là, je peux vous dire que cet été, vous allez en bouffer du sport. Hein. Et si vous en avez marre du sport, eh bien tant mieux, car on va essayer de ne pas en parler tout de suite, ce qui représente un sacré défi. Quel est donc le secret de votre forme ? Le sport, jamais de sport, disait Winston Churchill, ou Raoul Reyers, hein, je ne sais plus lequel l'a dit en premier. Alors que la France a pris un coup de boule 10 ans après celui de Zidane, à ne pas confondre avec le coup de bol de Hollande, ça c'était 2012, nous avons eu droit à un week-end hyper sportif. Hein. En plus de la finale de l'Euro, il y avait du cyclisme, de l'athlétisme, de la F1, du tennis. Bref, il manque manquait plus que je vous parle des Jeux Olympiques qui débutent dans un mois pour le plus grand plaisir de l'industrie pharmaceutique. Et ils ne sont pas encore commencés que les JO de Rio tiennent déjà leur première star, Zika, alias le virus qui attaque au Carioca par cas. Le virus Zika qui cause déjà des forfaits. Et oui, certains sportifs veulent encore nous faire croire qu'ils ont peur des piqûres. Plus sérieusement, parlons d'un sujet plus grave. Parce qu'il paraît que si tu parles du Tour de France, les comptes adorent. Et j'ai trop de respect pour nos auditeurs. En plus, Froome a déjà gagné, vu que même en descente, il arrive à démonter ses adversaires avant de déposer ses mixtions impossibles dans les éprouvettes. Non, parlons d'un sujet sérieux. Éloignons-nous de ces divertissements primaires. Bon, d'accord, la France a perdu l'euro. Hein. S'ils avaient gagné, on l'aurait su pendant 10 ans. Ils sont toujours parmi de la Coupe du Monde 98. Avec leur équipe moins racailleuse. Hein. C'est Marion Maréchal Le Pen qui l'a dit. Maréchal Le Pen, en voilà un pétain de beau nom. Eh oui. Elle confie dans la même interview qu'elle ne connaît pas les joueurs, hein, ce qui prouve qu'elle ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Et qu'en entendant que Benzema et Ben Arfa n'étaient pas du voyage, elle s'est mise en pilote automatique. En même temps, son ami créancier Vladimir Poutine annonce que la menace russe n'existe pas. Il devait certainement parler de foot lui aussi. Hein. C'est certain que cette équipe ne réussit pas grand-chose et n'est une menace pour personne. Contrairement à la France qui, quand elle prend la peine de descendre du bus, va au-delà des quarts. Je précise que descendre du bus n'est pas une volonté de Pierre Kroll. Hein. L'heure étant à l'apaisement, on ne sait jamais. Mince, on n'en sort pas de cette finale. Une finale qui devait être dénuée de suspense puisque d'après certains, la victoire des Français était arrangée d'avance par une alliance entre les Illuminati, le gouvernement Valls, Cyril Hanouna et ce qui reste de l'UEFA. Oui, une finale à laquelle n'a pas assisté Michel Platini pour raison personnelle. Ni Sepp Blatter qui s'est fait opérer à l'hôpital. Alors que d'habitude avec lui les opérations c'est à la banque. Enfin soit. La communauté portugaise est heureuse mais ne fait pas de vagues. Hein. Elle est quand même peu représentée. La personnalité portugaise la plus connue en France c'est Linda de Souza et son dernier carton c'était sa valise. Il y a moins de stars portugaises en France que d'Islandais restés en Islande pendant l'Euro, c'est dire. Bref, j'ai bien cherché à vous parler de sport, à ne pas vous parler de sport, mais tout se recoupe. La planète est foutue pour quelques semaines encore. La prochaine fois, promis, on parlera d'autre chose. Vivement que le Brexit revienne à la mode. Avec du bruitage, signé aussi à Vincent Flibusté dans cette chronique, hein, que vous allez pouvoir réécouter. Oui. Ouais, je m'entraîne. Oui, j'essaie d'optimiser mon temps, donc j'amène ma trompette avec moi. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, gardez votre pochoir, revendez-le sur eBay, je suis certain. Vous gagnerez de l'argent. Je suis certain. Ouais, imaginez dans quelques années, Vincent Flibusté des histoires, ça arrivera après 17h. Et justement, Presque Star qui arrive également dans quelques minutes. Et l'un ou l'une d'entre vous qui sera une fois de plus tiré au sort dans un instant pour jouer avec nous. Nous jouerons au jeu des dictionnaires, presque jeu des dictionnaires avec un mot extrait de l'actu du jour qui fait référence à cette actualité. Nous vous ferons des définitions, des propositions de définitions. À vous de choisir parmi nos chroniqueurs celui qui a la bonne réponse. Et nous vous offrons quoi, vous me direz? Hein? Dites-nous. Ah ben, une clé USB. Mais attention, je rajoute à cela 4 places pour le cinéma Imagix. Ça c'est mieux. Une clé USB à la première et 4 places pour les cinémas Imagix, c'est pour vous. C'est maintenant, ça se passe par SMS au 6031, 75 centimes le message. C'est 3 lettres, CPS avec votre nom, prénom et adresse. On se fait plaisir. On se fait plaisir également dans la suite avec donc le presque jeu dédico et la presque star sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. AUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies. En télé sur la Une. L'été de Devoir d'enquête. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Parfois j'avais peur, je tremblais en décrochant le téléphone. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Visitez Par-delà les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de la première. Aventurez-vous dans un monde de sons sur rtbf.be/par-delà-les-ondes. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. La première, Mobile Info. 16h43, Pierre Collard-Bovy, un point sur nos conditions de circulation. Est-ce que ça roule? Ça roule, oui, ça roule pas trop mal. Ce sont les vacances quand même, mais il y a quand même quelques petits soucis, notamment ce camion sur le flanc, sur le 313 de Liège, envers sa hauteur de Hassel de Sud. Le passage est difficile et il y a pas mal d'embarras de circulation en direction d'Anvers. Alors la circulation sur le ring de Bruxelles, ben, s'épaissit un petit peu aussi, mais surtout, et presque essentiellement à l'endroit des travaux d'Anderlecht, donc en extérieur Grand Bigard au titre, vous mettez 15 minutes supplémentaires. supplémentaires. Et là, c'est d'autre part. Pour l'intérieur, Zaventem, Carrefour et Léonard, 15 minutes supplémentaires. Également, accident sur le 411 Luxembourg-Namur, à hauteur de Verlaine. C'est en direction de Namur. Une voiture sur le flanc, mais qui est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, il n'y a pas d'entrain à proprement parler, mais cela pourrait vous distraire. Accident sur le 42 Liège-Mons, à hauteur de Templou. C'est en direction de Mons. Trois véhicules sont immobilisés. De nombreux débris sont répandus sur la chaussée, même si les véhicules sont immobilisés en bande d'arrêt d'urgence. Soyez quand même attentifs. Et puis toujours ces ralentissements, ce chantier qui a été mis en route il y a 2-3 jours, sur le 40 Bruxelles-Ostende, entre Herpemer et Zouénard. Il y a des files à partir de Herpemer. Vous perdez 43 minutes en direction d'Ostende. Répercussions sur la Nationale 9 venant de Bruxelles, entre Wetteren et Mel. Et là, vous perdez 25 minutes en direction de la côte. Et puis des files dans l'autre direction, donc vers Bruxelles, entre Gand et Mel, où là, vous perdez 22 minutes. Vous avez éternué à rhume ? Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Je ne remercierai jamais assez Raoul Reyers de m'avoir fait découvrir ce morceau et ce clip, hein, qui a fait, je peux le dire, toute mon après-midi. J'ai passé toute l'après-midi dessus. C'est vrai, il écrivait scruté, un truc comme s'il écrivait regardé, un livre. Ah non, mais je vous jure, j'ai regardé le moindre petit défaut qu'il y avait dans ce clip, et Dieu sait qu'il y en a. Hein, réécoutons-le, parce qu'il existe une parodie maintenant en flamand, en wallon, c'est ça, hein, on a la parodie en wallon. Donc ça, c'est la version néerlandophone que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Donc c'est Ditis Vlaamse Grond. Seulement si vous voulez. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le revoir parce qu'on l'a vu pour vous, donc on peut vous dire que ça sert à rien, vous allez perdre 3 minutes. Ce que j'ai fait en fait durant toute la journée. Donc voilà, ça c'est la version. Hein. Vous entendez les deux belles décans là qui chantent ? Ça reste dans l'oreille. Oui. Mais que dans l'oreille. C'est ça le problème. Et on voudrait que ça sorte justement, mais c'est le propre des morceaux qui font mal. Même Maître Gims, il n'oserait pas chanter ça. Alors attention, la version et la parodie wallonne, ça donne ceci. Il va falloir choisir la meilleure. Émotion. Je le chante. Du fond du cœur, je vous l'ai dit. C'est écouté. Depuis le jour de ma naissance, mon soleil est là où elle en est. C'est beaucoup plus fort. On dirait que Eurovision, c'est Eurovision. Voilà. On dirait que c'est Frédéric François qui a écrit les paroles. Ça prend. On dirait la fille de Claude Barzot. Ouais, aussi, ouais. Où elle en est ? Je me sens bien sous le ciel gris. Je chante ma Wallonie. Ah, c'est bon. Ça, ça devrait être la chanson d'une campagne électorale. J'imagine bien comme ça, je chante. Elio Li Rupo propose. Je suis ma Wallonie. Ce serait génial. Et il faudrait retrouver la petite, hein, elle avait quel âge à l'époque ? 3-4 ans. Ça date quand même de 1986. Elle s'appelait c'est comment ? La délicieuse Baby Chouchou. Baby Chouchou. On va faire notre enquête, si on va essayer de la retrouver. Ah oui. Et pour la saison prochaine, elle petite surprise, Facebook, elle viendra chanter. Oh, trop bien. Mais vraiment, c'est 20 ans après. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Baby Chouchou ? Le grand comeback de Baby Chouchou. Ça s'appelle Céline Dion maintenant. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Bon, en attendant, accueillons Tommy. Bonjour Tommy. Bonjour, bonjour. Bon, on rigole. Mais Tommy, on va jouer avec l'actualité également. Vous êtes du côté de Waterloo, vous travaillez dans le secteur pharmaceutique, c'est bien ça mon cher Tommy ? Exactement, tout et à on fait. Et on va vous offrir une clé USB aux couleurs de la première et 4 places pour les cinémas Imagique. Seul. Ouh, la classe. Attendez, c'est pas encore gagné. Il va falloir simplement me dire calme, hein. Ce que c'est qu'une barbacane ou un barbacane. Des définitions que nous allons vous proposer, c'est parti. Commençons par Daphné Dulaurier. Alors, la barbacane est une ouverture longue et étroite conforme de distance en distance et perpendiculairement dans la construction des murs adossés à des terres pour laisser à ces terres la possibilité de s'égoutter. Ça m'excite. Moïse avait fait une barbacane. C'est tout à fait ça, oui. Si on doit imaginer ça, c'est Moïse. Quand il a jeté des barbacanes sur la mer et flaf, tu vois. Voilà, c'est ouvert. Absolument. Voilà, j'ai compris que c'était une ouverture longue et étroite où on pouvait s'égoutter. Voilà. Ouais, c'est ça. Gershot, justement, pour vous, la barbacane. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que j'ai honte. Ensuite, je vais vous dire ce qu'est une barbacane. Une barbacane, ça désigne en effet le sentiment de nostalgie qu'on éprouve à l'écoute imprévue d'un vieux tube des années 80. Par exemple, Barbacane, où es-tu ? Voilà, ouais. J'ai honte. Ah, c'est pas mal, non, ça. Non, faut pas avoir honte. Bienvenue chez les Barbacane. Oui. Ouais, il y en a plein, il y avait toute la... Vu que jamais tu ne t'éloignes plus loin qu'un jet de Barbacane. La Barbacane au fond du jardin. C'est parti. Oh, on peut y aller, on est à fond là-dedans. Vincent Flibussier, Barbacane. Eh bien, Barbacane... Où es-tu ? J'ai eu la honte, mais il ne le dit pas. Eh bien, mon cher Walid, c'est un tuyau avec lequel on lance des petits projectiles par la force du foufle quand on enclume. Ah oui, voilà. C'est comme la serbacane. C'est pour ça que je me suis mouché pendant la chronique la de Michael, c'était prévu. Foufle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Du foufle. Du foufle. Raoul Reyers, la barbacane. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des barbes sans moustache. Un exemple, Claude de Spiegeler. Il a une barbe, mais il n'a pas de moustache. Collier. Un beau collier. Moustachu sans barbe, comme Jean Ferrat, par exemple. Mmh. Ou encore... des barbus avec moustache. Vous pensez comme moi à Henri Désiré Landru. Mmh. Hein? Mais la barbacane, le barbacane, excusez-moi, est tout simplement un barbu invité au festival de Cannes. Si, c'est dans le dictionnaire. Comme par exemple Donald Sutherland, membre du jury du festival 2016. Un barbu à Cannes, donc, hein, le fameux barbacane. Ben oui. Bien sûr. Il fallait aller chercher loin. Il y en a eu tellement que c'est devenu un mot du dictionnaire. C'est là que Michael Albaz doit changer. Non, même pas. Alors ? Non, si j'ai la bonne réponse. La barbacane, c'est la femelle du barbacanard. Et oui, animal un peu barbu que l'on croise à la Barbade. Alors, femelle du barbacanard. Et on va poser la question à Tommy. Tommy, une ouverture longue et étroite, un sentiment de nostalgie à travers un morceau des années 80, un tuyau dans lequel on souffle des petits morceaux de... Quand on était petit, vous vous souvenez, à l'école, les fameux barbacanes. Les fléchettes, voilà. Les boulettes. Ouais, les papiers glacés. Ou alors, donc, un barbu à canne, le fameux les barbacanes, ou la femelle du barbacanard. Mais maintenant, j'hésite fort entre deux, j'avoue, parce que le barbu à canne, ça tient la route, c'est cohérent. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que... Vous êtes sur la bonne voie. Vers la première, celle que je pense que notre ami Daphné nous a proposée. Oui, l'ouverture longue et étroite, conforme de distance en distance. Voilà, même si c'était un peu... Oui, mais... Maintenant, ça me semble bien. C'est effectivement la bonne réponse, ce qui veut dire, mon cher Tommy, qu'on vous envoie une clé USB, 4 places pour les cinémas et magiques. C'est alors, pourquoi barbacane ? Quel est le lien avec l'actualité du jour ? Et qu'est-ce qu'une barbacane ? Donc du coup, c'est... Voilà, on l'a dit, c'est une forme de construction. Et dans la presse, on parle de construction. Et le secteur de la construction, plus que jamais, gangréné par la fraude. Et ouais, aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais 65% des sociétés de construction contrôlées en Belgique étaient en infraction sociale, les amis. 65. C'est énorme. Oui. Et les 35% qui ne l'étaient pas ont été mal contrôlés. Ça doit être ça, oui. Non, mais c'est vrai en plus, ça doit être vraiment ça, parce que, voilà, il y a énormément de fraude sociale. Comme quoi, le travail dans la construction... c'est encore le seul endroit où on peut faire du black. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Bah oui, mais bien sûr. Donc c'est gagné, mon cher Tommy. On vous envoie ces cadeaux très rapidement. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Et on va accueillir Tiziana. Qui est Tiziana, vous me direz ? Eh bien, c'est notre presque star du jour. Ah oui, notre presque star c'est du jour. Presque sérieux sur la première. Alors, on parle de Tiziana dans la presse. Pour quelle raison ? Tiziana, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Tiziana. Tiziana, on parle de vous, mais pour quelle raison ? On va le découvrir dans un instant. Vous me posez les questions que vous souhaitez autour de la table et je ne réponds que par oui ou par non. Vous avez 2 minutes pour tenter de découvrir pourquoi on parle de Tiziana et de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle peut proposer dans la presse du jour. Est-ce qu'elle vient de Charleroi ? Elle vient de Charleroi, Tiziana, non, hein ? Non. Non, voilà, non. Excellent. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'euro ? Non. Avec le Brexit ? Non plus. Avec Geert Bourgeois ? Geert Bourgeois, absolument pas. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'anniversaire des 70 ans de l'arrivée des Italiens en Belgique ? Non plus. Est-ce que Tiziana a créé quelque chose ? Non. Elle est le relais de quelque chose, mais elle n'a pas créé quelque chose. D'une association ? Alors, on peut... parler, mais c'est pas une tout à campagne. Fait une association. Elle s'occupe d'enfants. C'est une campagne, c'est une on va campagne dire. C'est une campagne plutôt. Internationale. Non, pas internationale. C'est de la sécurité ? Non. C'est du social, en tout cas. C'est du social. Oui. C'est de la santé. C'est de la santé. Elle non, s'occupe oui, d'enfants ? Non. D'enfants, non. Non ? De vieux. De vieux, non plus. D'étrangers. D'animaux. C'est voilà, il y a quelque chose. Bon, qui dit été, dit... Zika. Chaleur. Les moustiques. Moustiques. Ouais. Quand vous étiez jeune, vous faisiez quoi l'été ? Les camps scouts. Il allait à la mutuelle. Pardon. Les camps scouts. Oui, mais après les camps scouts. On ben. On étudiait. On allait cambrioler des maisons. Non. Votre vie me rappelle. C'est là qu'on regrette la question qu'on pose. Non. Qu'est-ce qu'on faisait pour gagner votre vie? Vous faisiez quoi? Job étudiant. Ok. Donc, est-ce que vous avez lu un article en lien avec une opération nationale qui concerne? Moi, j'ai vu qu'il y avait encore un tas de jobs disponibles. Oui, voilà. Je vais en parler à la maison ce soir. Oui. Alors, vous voyez pas du tout. C'est une campagne qui vise à informer sur les nouvelles réglementations. Non, ça groupe toutes les annonces d'une façon. Enfin, c'est une plateforme. Non, c'est pas le forum sur le web. Non, c'est pas ça. Non. C'est perdu, les amis. C'est perdu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'été solidaire? Oui, faire travailler les jeunes. Le gouvernement wallon qui a donc décidé de reconduire cette opération été solidaire qui s'adresse aux 15-21 ans issus des quartiers dans lesquels se déroulent les actions. L'objectif de ces opérations, c'est donc de favoriser l'apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes. Et si nous avons Tiziana au téléphone, c'est parce que Tiziana s'occupe d'un centre de cohésion sociale, c'est bien ça? Oui, je travaille pour un plan de cohésion sociale du Condro qui travaille notamment sur Clavier où a lieu pour l'instant un des étés solidaires, et alors une de mes collègues s'occupe de celui de Modaf pour le moment. Mmh. Et alors, vous recherchez donc des jeunes de 15 à 21 ans, donc qui appellent à candidature. C'est vrai que la plupart du temps, certains jeunes ne trouvent pas du travail. Mmh. Voilà, et donc du coup, c'est ciblé, c'est destiné, ou c'est tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, et c'est vraiment destiné à partir de 15 ans, vraiment pour avoir le premier job encadré peut-être un petit peu différemment qu'un job traditionnel, puisque nous on est éducateurs de formation, donc il y a vraiment tout le côté aussi où on encadre les jeunes, on est là avec eux, il y a des débriefings en fin de journée pour parler d'expérience, etc. Donc là, à Clavier, on a travaillé sur la balsamine, donc on a arraché la balsamine le long des rivières, et puis la deuxième semaine est consacré pour une part des jeunes aux personnes âgées, parce que tantôt j'ai entendu personnes âgées, donc on va faire des petits travaux chez les personnes âgées qui ne savent plus entreprendre eux-mêmes. Il y en a qui travaillent dans les cimetières pour le nettoyage des cimetières, donc les remettre un peu en état, etc. Donc en gros, c'est permettre aux jeunes d'effectuer, ou en tout cas de découvrir un travail qui peut leur permettre de découvrir le mot et le sens de la citoyenneté tout en étant payé. Oui, c'est pas du bénévolat. Non, c'est pas du bénévolat. C'est payé à hauteur de combien par mois? Je veux dire, Ça démarre à 7 euros de l'heure, et puis ça augmente en fonction de l'âge, en fait. Ok, c'est-à-dire que moi je peux venir ou... Ah non, hein. Trop tard. Mais non, j'ai toujours 15 ans, vous savez. Ah ça, sûrement, un petit peu. Merci, c'est gentil. Vous cherchez des jeunes, expliquez-nous un petit peu, comment ça se passe? Les appels ont été clôturés, là ce soir, moi je passe les interviews avec ceux pour Tinlo. Ouais. Donc il y a des articles qui ont paru dans la presse locale pour faire appel aux jeunes, et les jeunes peuvent travailler dans la commune où ils habitent en fait. Donc c'est pratique, c'est pratique. Oui, c'est très pratique, et ça permet vraiment de rencontrer aussi les jeunes de son quartier, de son village, et c'est agréable. Voilà, moi je trouve, c'est vrai que et cette opération, elle mérite d'être mise en lumière, celle emmenée par le gouvernement Hollande, qui a donc décidé de reconduire cette opération, été solidaire, à l'heure où de plus en plus de jeunes donnent leur CV, qui ont de plus en plus de mal à trouver un job étudiant. C'est pas évident. Alors, il y a ceux qui sont issus de la minorité, ce qu'on appelle la minorité visible, qui sont, qu'on discrimine, forcément. Hein, et donc du coup qui n'obtiennent pas un job, et donc je pense que c'est une belle opération emmenée par le gouvernement wallon, et on souhaitait la mettre en lumière à travers vous, ma chère Tiziana, éducatrice du plan de cohésion sociale. Rappelez-moi d'où, de Mont, c'est ça? Non, Clavier. Du Condro, en fait. Du Condro. Et donc on travaille sur Clavier, Antine, Modave, Nandrin, Tinlo, j'en ai oublié, on va m'en vouloir, il y en a 6 en fait. On les embrasse tous, et on mettra d'ailleurs toutes ces informations. Et moi, j'embrasse mes petits jeunes qui sont en train de travailler avec moi, s'ils m'écoutent, puisqu'ils étaient au courant. C'est chouette, vous leur faites écouter la première. Ça me fait plaisir. C'est très bien. Voilà. Et je pense que c'est le genre de choses qui peuvent être sympas si vous cherchez un job d'étudiant. Rendez-vous sur un site qu'on mettra d'ailleurs sur la page de la première et sur le Facebook de l'émission. Merci à vous, Tiziana. Merci. Une bonne journée. Merci à vous. On continue à être presque sérieux. On continue d'ailleurs à relater tout ce qui se fait de près ou de loin dans la presse avec un regard complètement décalé. C'est le principe de cette émission. Oui, nous sommes presque sérieux. À dernière semaine avant les vacances bien méritées. Nous serons de retour le 22 août, et il y aura aura du pendant ce temps-là, il y aura les histoires de Vincent Flibustier, on aura droit à du Hirt bourgeois revu et corrigé dans la bouche d'Edgar Schott, autant vous dire que ça risque d'être sympathique. Bah, ça commence comme ça et ça se termine toujours en lol. Et ce morceau, si vous la connaissez de près ou de loin, elle s'appelle comment ? Baby Chouchou. Baby Chouchou. Nous sommes à sa recherche. Nous souhaitons, 20 ans après, lui donner la possibilité de chanter à nouveau. J'ai retrouvé une baby chouchoute sur Facebook, mais bon, c'est pas... À tout de suite. La première présente le 37e festival Jazz and Blues de Gouvy, du 5 au 7 août à la ferme Madelone à Sterpigny-Gouvy. Vendredi et samedi, jazz pour tous avec Maceo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues avec notamment Justina Lee Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico Duportal. Plus d'infos, madelone.gouvy.eu. La météo. Bonne fin de journée à tous. Finalement, des éclaircies vont revenir. Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera calme et sec, 13 à 15 degrés pour les minima. Demain matin, on a davantage de nuages dès le début de la journée. Déjà, quelques averses peuvent se disséminer. Pas trop fortes le matin. Elles seront par contre un petit peu plus fréquentes l'après-midi et pourraient localement s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le vent sera faible à modéré d'ouest et les maxima iront de 18 à localement 21 degrés. Pour les prochains jours, mercredi et jeudi, poursuite de ce temps instable avec de moins en moins d'averses jeudi. Température de 15 à 19 degrés seulement, c'est frais pour la saison. À partir de vendredi et pour le week-end, on revient à un temps sec, de plus en plus ensoleillé et puis de plus en plus chaud. On attend 20 à 25 degrés. Samedi. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. La fête de la communauté flamande. Le ministre président flamand, le nationaliste Geert Bourgeois, remet sur la table l'idée d'une nouvelle réforme de l'État en 2019. La NVA seule, pour le CDNV et le PNVLD, n'est pas question d'en parler. Qui est Theresa May ? On vous dresse le portrait de la désormais seule candidate en lice pour succéder à David Cameron au poste de Premier ministre britannique. Andrea Leadsom, sa dernière concurrente jusque-là, a annoncé son retrait. Un point sur vos conditions de circulation, c'est avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec un ring de Bruxelles bien fluide aujourd'hui, sauf peut-être en extérieur, entre Grand Billard et Haut-Titre, vous mettez 20 minutes de temps de parcours supplémentaire. Notez également toujours ce ralentissement sur la E40 Bruxelles-Ostend entre Herpemer et Zwijnaarde à cause de travaux et de gros ralentissements depuis ce matin. La NVA et notamment Geert Bourgeois hier ne cesse de le répéter. Il faut une 7e réforme de l'État en 2019. Une demande rejetée par Charles Michel, le Premier ministre, mais aussi par les deux autres partis flamands de la majorité au fédéral, Marc Sirlerot. Oui, au CDNV et au VLD, même mot d'ordre, pas question de discuter d'une 7e réforme de l'État en 2019. Éric Van Rompuy, député CDNV, tapant sur la NVA. Ils ne veulent pas d'accord parce qu'ils ne sont pas pour le fédéralisme. Ils sont ce qu'ils disent confédéralisme, ça veut dire séparatiste. Donc c'est une négociation sans fin et avec un très grand risque d'immobilisme et de non-gouvernance du pays. Alexandre De Croo, vice-premier ministre VLD, nuance. Pourquoi, dit-il, ne pas redonner au fédéral, par exemple, des compétences en matière de sécurité ? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi plein de choses où ce serait peut-être mieux de centraliser les choses au lieu de décentraliser les choses. Donc moi, je suis toujours prêt à avoir une discussion ouverte, mais dans les deux sens. Mais à la NV, on ne s'inquiète pas. Argument, nous ne sommes qu'en 2016. Ça laisse 3 ans, dit le parti nationaliste flamand, pour trouver des partenaires. Drôle de tactique. Il n'est pas trop tard pour trouver un petit job pour l'été. Les vacances ont commencé, mais des étudiants tentent encore leur chance, et parfois avec succès. Cette année, il y a 10% de jobs étudiants proposés en plus que l'été dernier. Des agences d'intérim recommandent même de venir les voir le jeudi ou le vendredi, histoire de décrocher son job pour le week-end. Les secteurs les plus demandeurs, le nettoyage, l'événementiel ou encore l'horeca. Barbara Chal a pu le constater auprès de restaurateurs montois. Luca Trapani travaille dans un restaurant de la Grand Place. Il le voit bien, même si l'été est déjà bien entamé, des étudiants défilent encore dans l'établissement, un CV à la main. Et c'est à la fin des examens qu'ils se rendent compte que ce serait chouette d'avoir un petit peu d'argent pour l'été, quoi. Aucune raison de culpabiliser, car la stratégie a toutes les chances de fonctionner. Sarah Splingard est la gérante d'un autre restaurant un peu plus loin. On engage nous toute l'année et concrètement encore plus quand il fait beau. Car dans la restauration, difficile d'anticiper les besoins. Mieux vaut donc être très disponible et faire preuve de beaucoup de souplesse. On doit s'adapter au temps, à la météo, aux events qu'il y a sur la grande place. Donc oui, concrètement, il faut être hyper flexible. Et puis, les restaurateurs ne veulent pas non plus prendre de risques et voir les étudiants leur faire faux bond. Rien ne sert donc d'envoyer son CV 6 mois à l'avance. Non, absolument à rien, parce que d'autant que les choses changent, ils ont une seconde cesse, il y a le festival de Dour, il y a Werther, il y a... Donc non, concrètement, non, on travaille plus en plus courte durée, en tout cas. Dans un secteur comme celui-ci, les missions sont souvent courtes, quelques jours ou un week-end. Il faut donc s'attendre à devoir cumuler plusieurs emplois. Mais aujourd'hui, les étudiants peuvent prester jusqu'à 475 heures. Cela fait une soixantaine de jours en moyenne par an, contre 50 jusqu'ici. Du côté des travailleurs fixes, certains sont heureux de pouvoir s'accorder un peu de répit. D'autres, par contre, voient cela d'un mauvais œil. Ils craignent une augmentation de la concurrence. Alors, les jobs étudiants font-ils concurrence aux travailleurs? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première. Et vous pouvez réagir en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courriel à matin1@rtbf.be. Vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Un moment d'hommage et de recueillement à l'école communale d'Aversin cet après-midi. Un hommage aux deux jeunes animateurs de jeunesse et santé qui ont été happés par un train vendredi soir. La veillée de prière est prévue en ce moment, sans micro ni caméra, avec les moniteurs de la plaine d'Aversin, les familles et les enfants. C'est une femme qui remplacera David Cameron dès mercredi soir. Theresa May, l'actuelle ministre britannique de l'Intérieur, deviendra chef de gouvernement. C'est David Cameron, chef de gouvernement sortant, qui l'a annoncé. Elle est la seule candidate qui restait en lice dans la course à la succession du Premier ministre conservateur démissionnaire. Mais qui est Theresa May, une femme de presque 60 ans qui connaît tous les rouages de son parti et de la vie politique, une bosseuse pas très charismatique, Françoise Nice. Fille d'un révérend anglican, son austérité, elle la revendique. Je ne fréquente pas la buvette du Parlement. Géographe, épouse d'un banquier, elle est députée depuis presque 20 ans. Elle a aussi été secrétaire générale de son parti, membre du Shadow Cabinet quand les Tories étaient dans l'opposition. C'est une proche de David Cameron. D'ailleurs, il l'avait choisie en 2010 comme ministre de l'Intérieur. Elle y a défendu des positions assez dures en matière d'immigration, de lutte contre la délinquance ou contre les prêches islamistes. Comme David Cameron, elle était en faveur du maintien dans l'Union européenne, mais elle n'a pas vraiment mené campagne. Aujourd'hui, elle promet une direction forte pour réparer les déchirures provoquées par le Brexit dans son parti et dans le pays. Mais surtout, elle veut obtenir le meilleur accord possible de sortie de l'Union européenne. La presse la surnomme la nouvelle Madame Thatcher. Si c'est vrai, ça promet d'âpres négociations parce qu'elle voudra garder un maximum d'avantages avec un minimum de pertes. Et le président de la Commission européenne a rencontré lui ce matin Sir Julian King. C'est le candidat présenté par le Royaume-Uni pour devenir le nouveau commissaire européen britannique. Jean-Claude Juncker va réfléchir au portefeuille et lui confier. Il prendra une décision d'ici à la fin du mois. Jonathan Hill, l'ancien commissaire, avait présenté sa démission au lendemain de la victoire du Brexit au référendum britannique. Le retour des héros. La CSAO est arrivée triomphale à Lisbonne. 5000 supporters attendaient les champions d'Europe sur le tarmac. L'équipe nationale a été reçue ensuite par le chef de l'État. Le capitaine de l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo, a brandi le trophée depuis le balcon du palais présidentiel, sous les vivas d'une foule de supporters en liesse qui a entonné l'hymne national avec ses héros. Le bain de foule des joueurs et de leur premier trophée international de football se poursuit direction la fan zone lisboète. Palais présidentiel et bain de foule aussi à Paris. Les Bleus ont déjeuné avec le président François Hollande au lendemain de leur défaite et visiblement le chef de l'État leur a adressé des mots réconfortants. Merci de nous être fidèles, belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Les idées blanc la cuisine. 17h07 sur la première, c'est toujours presque sérieux. Tiens Diane, vous connaissez Baby Chouchou? Non, Baby Chouchou, qu'est-ce Baby que c'est Chouchou, ça Baby Chouchou, c'est elle. Laurent Baby Chouchou, est-ce qu'on peut avoir Baby Chouchou dans les oreilles? C'est possible, Baby Chouchou? C'est ça, ma voix. revient. Alors on va lui dire, parce qu'on a le numéro de téléphone du parrain de Baby Chouchou. On va essayer d'entrer en contact cette semaine avec Baby Chouchou. On veut faire chanter le morceau 20 ans après. 20 ans après, toujours vivant. Oui, si on peut poser la question. Mais vous avez raison, on va vérifier. Ah, on va vérifier. Je pense qu'on fera commencer par là. Elle devait avoir 25 ans en 85, donc il y a des chances qu'elle soit. Non, je pense qu'elle était, que c'était vraiment une bébé. C'est pour ça, d'où le nom Baby Chouchou. Ah oui. Sinon, ce serait Mamie Chouchou. Tout se recoupe, hein. Ouais, tout se recoupe, effectivement. Merci, Diane. Retour dans l'info tout à l'heure à 17h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Baby Chouchou, une star en devenir. Comment faire renaître une artiste 20 ans après ? Je propose le remix. Mais c'est ce qu'on va faire. Ouais. Ah oui, moi je propose de faire ça. Je chante ma Wallonie, ça va faire fureur dans les campagnes électorales les prochaines. Fureur en Flandre. Oui, ouais, c'est ça. Si je comprends bien ma situation, j'ai Gerd Bourgeois dans la bouche et Baby Chouchou dans les oreilles. Voilà. C'est effectivement ça, et nous sommes presque sérieux sur la première pour vous emmener, comme tous les jours, jusqu'à 17h30 avec l'info revue et corrigée par tous nos chroniqueurs du jour. Il y a Daphné Dulaurier qui est des nôtres. Bonjour Daphné. Rebonjour Walid. Il y a Mickaël Albas. Rebonjour Walid. Il y a Raoul Reyers. Oh, c'est Walid. Ben ouais, il y a Vincent Flibustier qui nous racontera des histoires dans un instant. Oui. Et il y a Edgar Schott aussi qui nous parlera de Gerd Bourgeois et ce fameux Crash à Gate. Et comme tous les jours, eh bien, nous plongeons dans l'histoire sans plus attendre avec Laurent de Hossé. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey Houston, on a un problème ici. Ah oui, rendez-vous avec Laurent Deux, c'est demain entre 13h30 et 14h30 sur la première. Et un petit plongeon dans l'histoire du jour. Aujourd'hui, 11 juillet, eh bien nous célébrons le transfert d'une dépouille vers le Panthéon. Mais de quelle dépouille s'agit-il ? Bah, Jean Moulin. Non. L'autre. Celui qui a rendu, par exemple, c'est lui qui a popularisé le terme les mouchards, par exemple. Les mouchards, ça vient de lui. Ou alors, un autre terme. Victor Hugo. Non. C'est presque ça. Il a rendu populaire également, en tout cas, on utilise aujourd'hui le mot dans son sens actuel, il a popularisé le mot vandale. Vandale. Ouais, vandale, ou les mouchards, on les lui doit, ces deux mots. De qui s'agit-il ? Fatalement un français. Ah, oui, fatalement. Un écrivain français. Un grand écrivain. Alors, de quoi s'agit-il ? Voltaire. Voltaire. C'était pas son véritable nom. François-Marie Arouet. Et il s'appelait Arouet, le jeune qui, quand l'écrit en latin, donne Arovette, lit. Et donc c'est un anagramme pseudonyme. Wow. Ah ouais, donc c'est bien tiré. Donc le gars il a été cherché très loin. Si je m'appelle comme ça en latin, ça donne ça. Hop, je fais un anagramme, ça donne Voltaire. Et donc Voltaire que vous connaissez tous. Ah ben voilà. Personnellement d'ailleurs. La rue Voltaire, bien sûr, tout le monde la connaît. Bien il y a sûr. Au moins une rue dans un pays francophone qui s'appelle la rue Voltaire. Un café ici tout près qui s'appelle Voltaire. Le Voltaire aussi. Hein. Un cabaret aussi. Écoutez, comme quoi il doit se retourner dans sa tombe. Bon à 17h11. Avant les histoires de Vincent Flibustier, le pendant ce temps-là du jour. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là. Oh non, Raoul, vous n'allez pas cracher quand même. Moi, cracher, pas du tout, j'apprends le néerlandais. Et pendant ce temps-là, en Flandre, il faudra parler le néerlandais pour garder son logement social. Et pendant ce temps-là, la Belgique championne d'Europe. Mais aux 4 fois 100 mètres. Et pendant ce temps... dites-moi Raoul, c'est quoi cette musique ? Mais c'est la musique d'attente pour Varoso chez Goldman Sachs. Et pendant ce temps-là, hier, vous avez vécu la finale de l'Euro 2016, France-Portugal. La fameuse finale des francs-maçons. Francs-maçons. Comprenez ? C'est une blague, hein ? Bonjour, messieurs Vincent. Une chose est certaine, c'est que ça y est, on va plus écouter le morceau de David Guetta maintenant. Non. Ça, c'est une chose qui est sûre. Autant vous dire que maintenant, nous allons nous intéresser aux histoires de Vincent Flibustier. L'une de ces deux histoires est vraie. La question que tout le monde se pose après les avoir entendues, c'est oui, mais laquelle ? Eh bien, pour rester dans la thématique du match France-Portugal d'hier, j'ai décidé de vous parler de bâillement. Le bâillement reste un phénomène incompris, on ne sait effectivement pas pourquoi. Exactement, il est contagieux. Et il semble contagieux autant visuellement que quand on l'entend. Du coup, si je rebâille là, On peut estimer qu'il y a au moins 50 personnes, 100 personnes dans la voiture qui vont bâiller, et je vous salue. Eh bien, sachez-le, c'est pour cette raison que le bâillement est interdit à la radio et à la télévision en Inde, et ce, à cause d'un véritable drame en 1994, lors d'un débat politique. 22h30, le présentateur bâille très fort, et c'est le drame. On estime que des millions d'Indiens bailleront au même moment, ce qui provoquera de nombreux accidents de voitures, d'haleine, je sais pas trop. Bref, on comptera 493 morts dans le pays. Du coup, aujourd'hui, les chaînes de télévision sont équipées de brouilleurs des fréquences du bâillement, et à la radio, c'est juste interdit. On n'a pas du tout envie d'y croire. Deuxième histoire, Vincent. Attention, c'est pire. Je voulais vous rendre hommage au docteur Anna Wilkinson, qui a passé 6 mois à étudier le bâillement des tortues carbonaria. Bon, je crois que c'était les rasoirs. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que vous le savez, les tortues baillent énormément. Et oui, Anna Wilkinson a fait un travail qui peut sembler barbant, Walid. Oui, mais barbant. Wilkinson. Et pourtant, elle a découvert que le bâillement n'était pas contagieux chez les tortues. Voilà, il fallait le dire, monsieur. J'ose le dire, on peut tout dire sur la première, monsieur. Ah ben, voilà, deux histoires autour du bâillement. j'ai envie de vous dire, la première ou la seconde, celle qui interdit donc le bâillement en Inde, à la télévision et à la radio, ou cette fameuse histoire signée Anna Wilkinson, qui prouve, d'après ses recherches et ses études, que les tortues, elles, ne baillent pas. Edgar Schotz. Si, elles baillent. Elles baillent, mais qu'elles n'ont pas de neurones miroirs qui fait communiquer le bâillement. Alors, c'est celle-là, évidemment. C'est la seconde histoire. Raoul Reyers. Moi, j'ai encore des neurones miroirs, j'ai déjà. Je vous imagine toujours sur le dos. Dès qu'on parle de tortue, je vous imagine sur le dos. Bah, si ça vous fait plaisir. D'autant qu'il porte un t-shirt vert. Bah oui, c'est ça, je vous dis. La deux. Daphné Dulaurier. Bah oui, la deux, mais allez, je vais quand même dire la une parce que c'était un bel effort d'imagination. Mmh. Et enfin, Michel Albaz. La une est à dormir debout, donc je la prends. Ok. Eh bien, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour. Le bâillement interdit en Inde, où Anna Wilkinson et son étude sur les tortues. Eh bien, c'était évidemment un prétexte pour vous parler de cette étude importante, l'étude d'Anna Wilkinson. Le bâillement n'est pas contagieux chez les tortues, en tout cas dans la race de tortue carbonaria. À noter que la tortue carbonaria a bien 4 pattes. Elle est très bonne avec des petits lardons. Et qu'elle dort bien, on peut dire qu'elle est ravie au lit. Et que contrairement à vous, la tortue carbonaria apprécie beaucoup les blagues que j'ai volées sur Bell RTL. En voici d'ailleurs une dernière. Quel est le point commun entre un robot et des spaghettis bolognaises? Ils sont tous les deux automates. Pas mal. Hein. Attention, moi je dis que c'est pas mal. Moi je veux dire un truc, on sent que c'est la fin de la saison. On sent qu'à un moment donné, un lâcher prise. Ah ben c'est ça qui est le plus important, je crois que la bonne humeur. On fait fi de toutes les blagues à un moment. Comme disait encore le président suisse, qu'est-ce qu'il disait encore? Rire, c'est bon pour la santé. Voilà. Mais il ne le disait pas comme ça. Il avait raison. Oui, il avait raison. Et dans la suite, il va nous donner raison. En tout cas, il va donner une autre lecture à l'actualité. Lui, c'est Edgar Schotz qui nous parle de Hirt Bourgeois et de ce crachat gate. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. C'est presque sérieux sur la première. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable? Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais il n'y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Ça fait un moment que je pensais aux viagers, moi, pour compléter ma petite pension. J'ai contacté Trévis Viagers, ils étaient les seuls à me garantir un paiement sécurisé de mes rentes, avec leur nouvelle assurance Viagers, avec cet argent. Je suis plus serein pour l'avenir. Trévis Viagers, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Vous êtes sur la plage en vacances et vous avez déjà lu 10 fois entièrement le journal que vous avez acheté à votre départ. C'est le moment de découvrir Le Soir Plus, la plateforme numérique des abonnés du soir. Vous y trouverez votre journal du jour à tout moment et n'importe où, mais également nos dossiers thématiques, nos archives et la sélection de la rédaction. Activez maintenant votre mois d'essai gratuit sur lesoirplus.be. Le soir, je lis, donc j'agis. La première, Mobile Info. Et à 17h, presque 18, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse sans plus attendre avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec toujours ce camion sur le flanc, sur le 313 Liège-Anvers, à hauteur de Hassel-de-Sud. Le passage est difficile, ce qui engendre de gros embâts de circulation en direction d'Anvers, puisque vous perdez 17 à 18 minutes. Et puis quelques minutes également dans l'autre direction, en direction de Liège donc. Dans Bruxelles, quelques ralentissements dans les tunnels. Du tunnel Roger au tunnel Bordal en direction Midi et du tunnel Botanique au tunnel Roger direction Basilique, mais ça se limite à cela. Sur le ring de Bruxelles, deux tronçons un peu plus ralentis, je dis bien un peu. 20 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, c'est à cause des travaux, bien sûr, sur le ring Anderlecht. Et puis 11 minutes supplémentaires également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Toujours le camion aussi en panne, un accident avec un camion sur le 40 Bruxelles-Ostende à hauteur de Wetteren. La bande de droite est neutralisée en direction d'Ostende. Ça se passe dans les fils qui sont formés à cause des travaux sur le 40 Bruxelles-Ostende entre Herpemer et Zoeynard. Vous perdez une quarantaine de minutes en direction de la côte. Il y a également des répercussions en parallèle sur la Nationale 9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mel. Et vous perdez là aussi 40-45 minutes. C'est un échappatoire mais qui est bouché aussi. Et puis il y a des files également dans l'autre direction, donc en direction de Bruxelles entre Gand et Mel. Vous perdez une bonne vingtaine de minutes. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Je ne me lasse pas de cet hymne wallon qui va devenir un hit, je ne vous dis que ça. Et je fais une promesse. D'ici vendredi, nous essayerons d'avoir la fameuse Baby Chouchou avec nous. Alors, elle est née en quelle année? On a fait nos recherches. Je ne sais pas, je sais juste que la chanson date de 86 et qu'au vu du son de la voix... Elle devait avoir 5-6 ans, grand max. C'était une enfant. Ouais, 5-6 ans, 86. Donc 6 ans, on va dire 80, on est encore 2016. Voilà, la grosse trentaine. Elle est parlementaire maintenant. Mais, imaginez, Baby Chouchou. Réécoutons. Je sens ma Wallonie. Vous imaginez toutes les vidéos qu'on va pouvoir faire. Vous voulez voter et faire en sorte que la Wallonie redore son blason. C'est bizarre parce que quand elle commence et qu'elle dit je chante mal, on croit qu'elle va dire je chante mal. Une mise en abîme intéressante. Mais c'est effectivement un peu ça. Mais vous imaginez sur ce morceau, c'est un politique qui pourrait parler. Je crois qu'on va faire ça. Je vais prendre tous les discours de politique et on va mettre juste ça derrière. Un Paul Magnette qui parle dessus. Relance-moi le morceau. Bonjour, je suis Paul Magnette. Vous l'imitez bien. Pour 2017-2018, je vous promets que la Wallonie va changer. Je vous laisser courir le morceau. C'est pour être génial. Ah là, c'est pour être top. Et donc, on a des indicateurs. On a le numéro du parrain de. Absolument, le très célèbre Di Quinto Rocco. Di Quinto Rocco, oui. Qui a chanté qui a fait un méga tube. Bah oui, c'est son parrain. Ah. Je subodore que Baby Chouchou est arrivé à la chanson. Par hasard. Ça s'entend d'ailleurs. Quelle famille, hein. Piston. Ouais, piston. Bon, en tout cas, d'ici vendredi, ce sera peut-être la surprise pour terminer la saison. Ah, en beauté, ce sera d'avoir Baby Chouchou avec nous pour chanter cet hymne qui va devenir l'hymne de la Wallonie. C'est une top biche et vous allez la garder en studio toute l'année. Mais arrêtez. Vous en priez. Pas comme ça. Peut-être qu'elle sera très intelligente et brillante et qu'elle dira des blagues cool. Encore mieux. Pas juste que paraître son physique, hein, c'est juste. Ouais, mais vous avez raison. D'ailleurs, on ne s'intéresse pas à ça. C'est pour ça que nous faisons de la radio. La preuve, Edgar Schott. C'est pour ça qu'on est là. Dites-moi un petit peu. On va s'intéresser vous, à l'actualité. Vous, le plus moche de la bande. Ouais, d'ailleurs, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, tiens, intéressant dans l'actualité. Avec Edgar Schott, la sortie remarquée de Geert Bourgeois vous a inspiré, Edgar. Une réflexion profonde sur les liens entre politique et fluide corporel. On a peur, mais on vous écoute. Inderdaad, meneer Wallet, dat is het geval. Om de Nationale Dag van Vlaanderen te vieren, heb ik besloten in het Vlaams te spreken. Ik hoop dat u geen probleem daarmee hebt. Il n'a aucun problème. Non, on n'a aucun problème. Non, bon, j'ai vraiment hésité à faire l'intégralité de la chronique en néerlandais. Et je vous avoue que ce qui m'a arrêté, c'était pas le côté éventuellement transgressif de la chose, mais plutôt les heures de travail que ça allait me prendre de devoir écrire dans un néerlandais correct. Et donc, même si ce n'est pas tout à fait la bonne date, point de vue fête nationale, j'ai finalement décidé de plutôt faire mon billet en polonais. Ah, ouais. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Dzień dobry, pani, państwo. Bonjour, j'espère que vous avez un jean pour moi, s'il vous plaît. Non, mais à mon avis, le Gert, en fait, il a un peu forcé sur les matchs de l'Euro, quoi. Et à force de voir les joueurs cracher comme des lamas et se faire néanmoins aduler par le public, il a dû en déduire que le crachat, c'était une espèce de nouvelle mode, voire un sésame pour la popularité. Et on peut donc à bon droit se réjouir que ce soit l'Euro qui l'ait regardé et pas les films du samedi soir de Canal+, sans quoi le fluide corporel concerné aurait été un peu plus intime et la métaphore encore un peu plus vulgaire. Parce que bon, éjaculer sur la frontière linguistique, comment dire ? Non. Alors je sais, vous me direz que je ne vous ai pas habitué à un tel niveau de grossièreté, mais c'est pas moi qui ai commencé d'abord. C'est vrai quoi, elle est consternante, hein, la baisse de niveau du langage politique en 1940, dans un fameux discours à la Chambre des communes, Winston Churchill déclarait ne pouvoir promettre au Royaume-Uni que, je cite, « blood, tears and sweat », soit du sang, des larmes et de la sueur. Aujourd'hui, Geert Bourgeois nous annonce que les Flamands ont comme passe-temps de cracher sur la frontière linguistique. C'est quoi la suite ? J'imagine que Donald Trump va nous confirmer que s'il est élu, il construira bel et bien le mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis, et que non seulement il le construira, mais qu'il le construira avec ses crottes de nez, son cérumen et son liquide prostatique. comment vous dire ? Le plus inquiétant, ça reste quand même de se dire que s'il persiste dans cette voie, les Flamands vont finir par demander à Serge Lama de composer leur hymne national, et puis d'imaginer que près de 30 ans après la chute du mur de Berlin, le ministre-président flamand semble prêt à le remplacer, ce mur de Berlin, par une barrière de mollard. Je vois d'ailleurs déjà le slogan du FDF, pardon, défi, lors de la prochaine campagne électorale. Ça devrait être un truc du genre « j'irai pisser sur vos mollards ». Voilà où on en est, les amis. Vous savez qu'en en Chine, cette situation, cette phrase serait bien passée. Hein. Parce qu'en Chine, cracher, c'est bien vu. Oui, c'est bien vu. C'est bien vu. Mmh. Alors que chez nous, c'est... pas bien. Donc, il aurait dit avec l'accent chinois, ce serait bien passé. Enfin. Ce serait bien passé. Dites, je voudrais vous signaler quelque chose. Un auditeur, Gauthier de son prénom, qui me signale qu'on aurait vu dans un karaoké Agili. Baby Chouchou. Baby Chouchou. Par contre, je voudrais vous faire. Elle va chanter, elle dit salut, je suis. Vous vous souvenez peut-être de moi dans les années 80. Il dit pas ça pour nous faire rêver. Oui, il faut pas envoyer des fausses promesses. On la cherche. Par contre, Rocco Di Quinto, c'est ça. Di Quinto Rocco. Ouais, c'est Di Quinto Rocco. Ah, mais c'est la même. Ouais. Écoutez. L'enregistrement est très bien. Ça, c'est le genre de truc que vous écoutez à 6h du matin, vous dites David Guetta est un tueur. On a encore des tourne-disques en studio. Ah, mais je vous jure, c'est. Mais cette idée de reverb n'est pas inintéressante. Hein. Mais c'est le fameux quart d'heure américain, vous savez, qu'on ne fait plus d'ailleurs hein, pour en un moment. En fait, le type reste au bar et il chante de loin. Hein. Ouais. on pourrait faire une compile. On en a quelques-uns, dont Vincent Fibussier a le secret. Je ne donnerai pas le titre de. Ouais, non, il ne faut pas. Mais c'est, voilà, c'est juste une pépite. Et donc. Rocco Di Quinto, c'est ça. Et sa nièce, c'est ceci. C'est la même chose. Ouais. Avec cette petite réverbe aussi qu'on retrouve dans ce morceau. On comprend quand même quelques mots sur celle-ci. Oui. Je suis certain que là, Rocco, il doit se dire une chose. Il doit se dire merci la première. Les droits d'auteur. Walid qui va produire ma nièce, ma filleule, c'est un truc de fou. Rocco Di Quinto, ma Wallonie, souvenez-vous-en, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur la première. Bon allez, on n'est pas peu fiers. Hein. Mais écoutez, moi, à un moment donné, la fierté wallonne passe partout, monsieur. Wow. Passe par l'exhumation. Le terroir, passe par la chanson, passe partout. Hein, n'est-ce pas Raoul ? Évidemment. Et par n'importe quoi. Bon, à 17h26, c'est parti, c'est le presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Et si vous êtes donc le propriétaire de ce karaoké à Gili, tenez-nous au courant, ça nous intéresse. En attendant, une actualité que vous avez lue et que vous résumez pour nous en un mot, Raoul Reyers. Alors, en un mot positif, parce qu'il y a toujours du positif dans une catastrophe, celle-ci par exemple, Alsace, la voiture brûle, mais les sextoys sont indemnes. Ah. C'est écrit comme ça, indemne pour un sextoy. Ce n'est pas inintéressant. J'aime bien ce qui passe par votre tête quand vous lisez. Non, ça passe par mon ordinateur. Ah, ok, d'accord. Je n'invente pas. C'est pas mal. Donc c'est une info comme ça. Une info alsacienne. Ouais. Indemne, quoi. Indemne. Donc c'est positif. Vincent Flibustier. Ben, j'étais en train de chercher le karaoké de Gilly et je suis tombé sur un karaoké au Canada qui s'appelle Chez Gilly de la Tourette. J'ai trouvé ça sympa. De la Tourette, oui. C'est le cas de le mien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben, c'est votre presque mot de la fin, c'est votre droit. C'est ça. Daphné Dulaurier. Oui, moi, c'est moins jovial. Mon presque mot de la fin, c'est arrestation. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ici en Europe, enfin en tout cas en Belgique, de Derry McKesson, le militant du groupe Black Lives Matter, qui a été filmé, qui a filmé sa propre arrestation alors qu'il manifestait à bâton rouge aux États-Unis suite à la mort la semaine passée de deux hommes noirs abattus par la police. Donc il a été arrêté alors qu'il manifestait pacifiquement. Mmh, ben écoutez, voilà. Ben on en a parlé maintenant. Ça, il faut quand même remettre. Rendre à César ce qu'il lui apporte. On va demander à Edgar Schott son presque mot de la fin. Oui, alors ce n'est pas vraiment une actualité, c'est plutôt un épisode de vie que je résumerai comme suit. Bingo. Car hier soir, j'étais dans un café portugais près de Flagey. Alors, on sait qu'il y a des Portugais à côté de Flagey. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient 15 000, mais ça devait être à peu près le nombre. Et donc, j'étais dans ce café où il y avait, je ne sais pas moi, 200 personnes dedans, complètement comprimées devant deux écrans télé, et 200 personnes dehors. Ils occupaient le trottoir, puis la rue, puis le trottoir d'en face. Et imperturbablement, alors que tout le monde était complètement comprimé, il y a un type qui, pendant les deux heures que le match a duré, a joué au bingo sans jamais se retourner. Et ce type est mon héros. C'est beau. Et lui a gagné aussi. C'est beau, c'est beau. Et enfin, Mickaël Albas. Eh bien, presque. Et oui, les Bleus sont presque champions d'Europe. Et visiblement, le bus célébrant la victoire de l'équipe nationale était déjà sur la route. Ah oui, on l'a vu. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Ça a été moqué, moqué, moqué. Et, bien, c'est sur Baby Chouchou que nous allons terminer cette émission. À la bonne heure. Ah oui. Merci de Garchot. Merci à vous, dites. Merci, Mickaël Albas. Merci à vous. Merci, Daphné Dulaurier. Merci. Merci, Vincent Flibustier. Merci, bébé chouchou. Merci, Raoul Reyes. Merci, Walid. Et à demain. Bonjour. Je m'appelle Vanco. Je reviens. Mais je reviens demain, entre 16h et 17h30, avec une équipe qui illustrera de leurs beaux esprits bien l'actualité. Et dans la suite, vous avez rendez-vous avec l'info sérieux cette fois-ci. C'est Pierre-Yves Meugens pour Soir Première. Vous imaginez le générique de Soir Première avec ça? Je chante ma Wallonie. Ah! Bon, Baby Chouchou sera peut-être avec nous vendredi. D'ici là, portez-vous bien. À demain, 16h, sur La Première. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La première.